Bonjour, c'est Ivan Kni. Avec tous les artistes, nous nous réjouissons de vous présenter notre nouveau spectacle. Laissez-vous enchanter par la magie du cirque. À très bientôt. Le Cirque Kni, du 19 au 22 octobre à Vevey. Les billets auprès de kni.ch. LFM présente Nivagation, nouvelle création mondiale du Béjart Ballet Lausanne, du 16 au 22 décembre au Théâtre de Beaulieu. Écrit et mis en scène par Marc Cologne, chorégraphié par Gilles Roman, ce nouveau spectacle de cinéma de danse-théâtre sera précédé par deux ballets de Maurice Béjart. Concerto en Ré et Adage pour deux. Billetterie sur béjart.ch. LFM. What about all the times you said you had the answers?

Listen to Your Heart avec le groupe Roxette à l'instant sur LFM. LFM l'inforoute avec le garage carrosserie Filizetti à Bretigny-sur-Moran. Votre agent officiel Mazda au cœur du Gros de Vaud. Filizetti.ch. Difficulté signalée sur le contournement autoroutier de Genève, autoroute A1, entre Mérin et la passerelle de Chèvre et puis entre Bernay et le poste frontière de Bardonnay. Pour la météo, demain jeudi, nuageux avec quelques averses en début de matinée, puis développement de larges éclaircies en cours de journée. Et puis à nouveau, plus nuageux en fin d'après-midi avec l'arrivée de quelques précipitations localement orageuses. Côté température, de 11 à 14 demain matin et au meilleur de la journée, 14 à Valorbe, 15 à Yverdon-les-Bains et Payerne, 17 à Lausanne et Genève. All our lives, even wasting time, always standing in line, but I'm letting go tonight. So if the sky was falling on ourselves, I'd follow no one else. Could we leave it all behind? So won't you tell me now, tell me now. Your love. we shake up the habits. Are you speaking my language? I got hopes, you got hopes. Cause someday we're better. We can take up the pressure. LFM sur Offenbach. Offenbach sur LFM, pardon, avec Love Me Now. LFM avec Sylvain Lavet. Bien-être et développement personnel au menu de cette fin d'après-midi, mais pas que, avec Delphine Ansermet. Bonjour Delphine. Mais bonjour. Et également avec nous Aurélien Frémont. Bonjour Aurélien. Bonjour. Vous êtes co-organisateurs les deux du salon énergétique et divinatoire. Ça se déroulera ce week-end, samedi et dimanche, à la salle polyvalente d'Aubonne. Alors, quel sera le programme de ce salon énergétique et divinatoire? Alors, ce salon énergétique et divinatoire, il y aura des thérapeutes de tout style de soins. Il y a beaucoup de soins différents, Reiki, harmonisation du corps, des chakras, des boutiques et des voyants médiums. D'accord. Des ateliers également au programme des deux jours. Oui, il y a des ateliers, des conférences tout le long du week-end. Et il y a à peu près 14 conférences ateliers. Vous allez pouvoir découvrir des choses sur les soins à distance. Il y a aussi comment ne pas se bloquer dans son évolution spirituelle. Enfin, beaucoup de choses. Les intervenants qui seront aussi à votre disposition lors du salon pour leur poser des questions, si vous voulez. Ça s'adresse aux particuliers, hein, pas simplement aux gens qui ont déjà une certaine approche de la méditation, enfin de tout un tas de choses, des énergies, de tout ça. On peut venir en simple spectateur et puis peut-être essayer d'apprivoiser toutes ces notions, ces techniques. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment ouvert à toute personne, à tout âge. On a eu à la dernière édition des enfants qui sont venus avec leurs parents. C'était magnifique. Des personnes retraitées, des personnes lambda. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est l'idée, c'est vraiment de découvrir notre monde, parce que ça, c'est notre monde. Ouais, savoir se faire du bien aussi, savoir écouter son corps, son esprit aussi. Exactement. Le corps et l'esprit, l'équilibre dans tout ça, c'est très l'objectif. Important. Se recentrer aussi sur soi-même, ça fait pas de mal. Ah oui. C'est donc samedi et dimanche, les horaires du salon. Alors, c'est samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Est-ce qu'il y a besoin de réserver sa place avant? Non, vous êtes les bienvenus à l'heure que vous voulez. Après, le programme des conférences se trouve sur notre site. Mais sinon, pour les visites, venez comme vous voulez. Et comme vous êtes. Justement, le site internet pour avoir toutes les informations. Alors, c'est salon énergétique divinatoire.ch. En un seul mot. En un seul mot. Salon énergétique divinatoire.ch. Vous avez toutes les informations, les contacts. Il y a même les éditions à venir aussi, j'ai vu pour 2024. Oui, on ne va pas s'arrêter. On se prépare, on espère bien, quand il s'agit de se faire du bien. Mais exactement. Alors, ce sera pour février. Et c'est donc tout ce week-end en attendant pour le rendez-vous fin 2023 à la salle polyvalente d'Aubonne. Delphine et Aurélien, merci beaucoup. Une belle fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. vérité d'Afrique, mais je vois pas le paysage. Toujours ces hommes qui courent, cette terre qui recule. Ces appels au secours, ces enfants qu'on bouscule. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Alors regarde sur LFM, Patrick Bruel. LFM. Regarde un peu, tu verras bien le résultat. Résultat concernant les élections fédérales avec une journée très importante. On le rappelle, ça sera dimanche et émission spéciale à partir de midi avec l'équipe de la rédaction présente en direct depuis l'Ola des Cèdres à Lausanne avec bien sûr les différents partis représentés par leur tête et leur candidat et puis également René Knussel, politologue de l'Union. Qui viendra décortiquer un petit peu tous ces résultats. Rendez-vous pris ce dimanche dès midi sur LFM. Attention, attention, annonce royale. Pour fêter la sortie du nouveau billet de la loterie romande Carton Royal, nous vous attendons à Migros 1032 Romanel du 16 au 21 octobre. Offres promotionnelles, cadeaux et magnifiques surprises vous y attendent. Si ça, c'est pas royal. Ne faites pas comme les autres. Offrez-vous maintenant votre cadeau de Noël. Chez Clinique Cars à Yverdon, découvrez la Renault Clio E-Tech Full Hybrid et son esprit sportif alpine. Ou craquez sur le Dacia Jogger, polyvalence d'un break et le confort d'un SUV. Renault Dacia, c'est toujours le moment de se faire plaisir. ClinicCars.ch. Clinique Cars, la passion automobile. Ce qui te fait du bien est sain. Par exemple, pouvoir aller chez le médecin partout et à tout moment via une application. Va maintenant sur atoutprix.ch et souscris Atoutprix Smart Care, l'assurance de base numérique. Atoutprix, l'assureur de la santé. Profitez des vacances et des belles journées automnales pour venir découvrir la 6e édition d'Hélios Arrêt Nature. Découvrez les richesses des paysages et de l'art jusqu'au 22 octobre 2023 grâce à 50 artistes suisses et internationaux qui exposent leur œuvre dans une galerie à ciel ouvert. Visite gratuite tous les jours à Yvorne, Aigle, Les Ains, Col des Mosses, Les Diablerets et maintenant à Rougemont, Rossinière et Châteaudet. Info sur Hélios.com. AILYOS.com. Autocorner. Alors, pour ma voiture d'occasion, je veux un conseil personnalisé, une excellente qualité de service et bien entendu, mon occasion est garantie 2 ans. Non mais vous, croyez chez Autocorner? Autocorner, votre centre d'occasion à Romanel. LFM présente Nivagation, nouvelle création mondiale du Béjart Ballet Lausanne, du 16 au 22 décembre au Théâtre de Beaulieu. Écrit et mis en scène par Marc Cologne, chorégraphié par Gilles Roman, ce nouveau spectacle de cinéma de danse-théâtre sera précédé par 2 ballets de Maurice Béjart. Concerto en ré et adage pour 2. Billetterie sur béjart.ch. LFM, côté musique, on écoute maintenant les plus belles chansons d'hier et d'aujourd'hui.

Gimme Love, c'était Sia sur LFM. LFM L'Heure, avec Figuet Technique et son drive-in Pelé à Tolochna, mais pas que. Figuet.ch. LFM, bel après-midi. Il est 17h. LFM, l'inforoute. Avec PESA, transports internationaux, logistique, entreposage et dédouanement sont une formalité. www.pesa.global. Difficulté signalée sur la semi-autoroute A9 entre Balègue et Le Creux et puis sur l'autoroute A1, contournement de Genève, entre Mérin et le poste de douane de Bardonnay. 17h, nouveau rendez-vous d'information pour aborder la fin d'après-midi. Et l'info, c'est avec Robin Jolin. Robin, bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. On débute à Lausanne où les infrastructures hydrauliques doivent être rénovées. Pour ce faire, un premier crédit de 29 millions de francs est soumis au conseil communal, notamment pour renouveler les conduites des sources du Pays d'en Haut et du pont de Pierre au-dessus de Montreux. Deux conduites vieilles de plus d'un siècle qui fournissent environ 20% de l'approvisionnement en eau de ce réseau. Un train roman distingué. Le Golden Pass Express, celui qui relie Montreux à Interlaken, est distingué par le prestigieux National Geographic. Il figure parmi les trains les plus luxueux au monde, selon une sélection du magazine. Le train panoramique Valdo-Bernois figure même en tête de liste, ce devant le Royal Scotsman écossais. Lausanne remet sur la table son budget participatif. Pour la cinquième fois, la population est invitée à départager 20 projets entre promenades de découverte des plantes locales, jeux d'enquête pour mieux connaître sa ville ou encore création d'un studio d'enregistrement de podcasts à la Bourdonnette. Depuis 2019, ce concept permet à tout habitant lausannois de proposer une idée. L'enveloppe de ce budget est de 200 000 francs pour cette année, le maximum pour un projet de 20 000 francs, 10 000 pour ceux concernant l'événementiel. David Payet et municipal lausannois en charge des quartiers. C'est à la fois l'occasion de voir en tout cas le rôle des habitants différemment. Ça leur donne en tout cas le message qu'ils peuvent faire des propositions, faire des projets, puis avoir une chance qu'ils se réalisent rapidement. Alors naturellement, c'est un travail aussi qui est important, mais c'est quelque chose de faire un projet, de le défendre, de le soutenir et ensuite de le mettre en œuvre. Par contre, ça donne en tout cas ce modèle que toute personne de tout âge peut le faire. Cette année, on a eu le projet avec les plus jeunes porteuses de projets qui s'est mis en œuvre à Beauvresse avec un café Tiro, avec le centre socioculturel et puis des jeunes usagères du lieu. Cette année encore, un bulletin de vote est envoyé par poste à tous les Lausannois. Un vote ouvert depuis le 16 octobre. Ainsi, chacun des 4 ans peut distinguer au moins 3 projets. Les votes sont ouverts jusqu'au 19 novembre, avant l'annonce des résultats prévus le 18 décembre. Zurich et Bâle ont décrété des interdictions de manifester, et ce en raison de la situation sécuritaire tendue suite à la guerre au Proche-Orient. Bâle interdit même toute manifestation en général. À Berne, la place fédérale et la Bundesgasse ont elles été fermées aujourd'hui à la circulation en raison d'un objet suspect. L'aile ouest du palais fédéral et le centre des médias situé non loin ont été évacués. Une alerte qui a finalement été levée peu avant 15h. Ces deux objets ont effectivement été trouvés. Selon la police bernoise, ils se sont finalement avérés inoffensifs. Et en France aussi, les évacuations ont eu lieu après des menaces. Oui Sylvain, c'est le cas par exemple de plusieurs aéroports en France qui ont reçu par email des menaces d'attentats. 6 sont concernés, dont ceux de Lille, de Nantes, de Toulouse ou encore de Nice. Le château de Versailles a pour sa part de nouveau été la cible cet après-midi d'une alerte à la bombe. Il a été évacué avant de rouvrir ses portes après cette fausse alerte. Retrouvez le fil de l'actu sur lfm.ch. On va prendre des nouvelles du temps. Eh bien, le temps qui se fait de plus en plus grisonnant, Sylvain, avec ces nuages qui deviennent plus présents dans le ciel roman. Ils vont d'ailleurs être accompagnés de précipitations qui vont s'étendre ce soir et durant la nuit. Demain, un début de journée nuageux qui nous attend avec quelques précipitations avant le retour de quelques éclaircies dans le courant de la journée. Des températures maximales de 15 degrés pour Sushi demain, 15 également à Longiraux, 17 à Réna. Merci beaucoup, Robin. Retour de l'actu tout à l'heure. Ce sera à 18h pour le dernier point de la journée. A tout à l'heure. Les cadeaux qui arrivent dans moins d'un quart d'heure avec des places de cinéma et pour la musique Frankie Goes to Hollywood. Le groupe Maroon 5 à l'instant pour She Will Be Loved. LFM, les plus belles chansons d'hier et d'aujourd'hui. De l'amour, certes, mais pas seulement. Il y en a beaucoup en ce moment au cinéma. Différentes émotions, que ça soit pour les plus petits, avec les Trolls 3 ou encore Une année difficile, L'Exorciste. Et puis l'incontournable Barbie, toujours sur les écrans romans, est l'occasion pour vous d'accéder, bien sûr, au film de votre choix. Au Ciné-Étoile, Mal et Lumière, jour de votre choix, séance de votre choix, tout est ouvert. Alors, pour le troisième code de la semaine, nous allons jouer avec l'un des films et toujours sur les écrans. C'est Barbie. Barbie, ce sera le code à m'envoyer jusqu'à 17h30 par le biais du WhatsApp LFM 079 842 1033. 17h30, on clôt toutes les inscriptions et on passe au tirage au sort pour l'une ou pour l'un d'entre vous. Dans un instant, la musique, celle de Whitney Houston et George Michael pour nous accompagner. Ça sera If I Told You That. Avis à la population. Recherché pour lésions corporelles graves. Le tabouret chancelant. Attention, cet individu dangereux pourrait actuellement se cacher chez vous. Chaque année, 125 000 personnes se blessent lors d'une chute à domicile, en montant par exemple sur un tabouret chancelant. Réduisez le bandit en petit bois et remplacez-le par un escabeau stable. Plus d'informations sur bpa.ch/habitat-sur. Psst, écoute, chez IKEA, de très nombreuses nouveautés t'attendent. Pars à la chasse et débusque de nombreuses excellentes idées pour faire de ton chez-toi un nid douillet et confortable pour l'arrivée de la saison froide. En ce moment, dans ton magasin IKEA et sur IKEA.ch. Le télésiège Auvrenage Horas est ouvert jusqu'à fin octobre. Randonnée mini-zoo et trottinette. Auvrenage.ch. Ne manque sous aucun prétexte la collection Chalet. Exclusivement disponible en Suisse, elle apporte le charme des montagnes chez toi. Vite, rendez-vous chez IKEA. L'hiver guette. Tu prépares le jardin pour les mois d'hiver. Tu emballes les palmiers, tu tailles les branches et mets la haie en forme. Tu coupes le bois de chauffage pour la cheminée en petits morceaux. Tu le stockes parfaitement. Et les outils vont dans l'abri de jardin. L'ordre est de mise. Oui, l'automne. Tiens-lui tête. Hornbach, il y a toujours quelque chose à faire. Ce qui te fait du bien est sain. Par exemple, pouvoir aller chez le médecin partout et à tout moment via une application. Va maintenant sur atoutprix.ch et souscris Atoutprix Smart Care, l'assurance de base numérique. À tout prix, l'assureur de la santé. Après Intouchable et le sens de la fête, le grand retour de Toledano et Nakache à la comédie. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, là on est à la ruche. Un film dont on a vraiment besoin. Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi tu m'invites, mais c'est gratuit? Ouais. Oh. Drôle, percutant et tellement actuel. Une année difficile. Au cinéma. I'm not afraid to

Sky Full of Stars avec le groupe Coldplay sur LFM. LFM, la météo, avec Literie Concept à Étoy, Comtet et Lausanne et ses grandes marques de la literie, Tempur, Swissflex et Superba. www.literie-concept.ch. Toujours ces difficultés de trafic sur la semi-autoroute A9 entre Balègue et le rond-point du Creux qui s'étendent également sur le réseau secondaire ce soir sur la route cantonale entre Valorbe et le Creux et puis sur le contournement de Genève, toujours des difficultés entre Mérin et le poste de douane de Bardonnay. La météo pour demain jeudi nuageux avec quelques averses en début de matinée puis développement de larges éclaircies en cours de journée. À nouveau plus nuageux en fin d'après-midi et l'arrivée de quelques précipitations localement orageuses en ce qui concerne les températures de 11 à 14 degrés demain matin et au meilleur de la journée 14 de maximale à Valorbe, 15 à Yverdon et Payerne, 17 à Lausanne et Genève. eyes up to our love. Burned a hole right through it. And in the light of day, I see the end of us. Guess I always knew it. De la lueur du soir, on peut se cacher. Rester dans le noir, défier notre sort. Sans chat de dos. Et Marine qui est à l'instant. LFM, les plus belles chansons d'hier et d'aujourd'hui. Et les plus beaux cadeaux également tous les jours de la semaine et du week-end. Et félicitations à Malika qui repart avec ses invitations pour aller voir le film de son choix au Cinétoile Malais Lumière de Prilly. Dans un instant, le point trafic côté musique Edwin Collins pour A Girl Like You. Et puis, ce sera l'occasion de rire un peu et de sourire avec la rediff de l'info trafiquée du jour, signé Lambiel. 12 instants en famille, relaxez-vous et prenez soin de votre corps. Les bienfaits des eaux sulfureuses vous attendent au centre thermal d'Yverdon-les-Bains. Un moment hors du temps. Commencez la visite sur bainyverdon.ch. Jamais elles n'ont été si accessibles et si proches de vous. Actuellement au garage de l'Étoile à Renan et au garage Mon Repos Automobile à Lausanne, profitez d'offres exceptionnelles sur toutes les Mercedes-Benz électriques en stock avec un taux de leasing à 1,9% et des mensualités des 396 francs seulement. Offre valable jusqu'à fin décembre au garage de l'Étoile à Renan, au garage Mon Repos Automobile à Lausanne et dans toutes les agences Mercedes-Benz du groupe Leba. L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraîne le surendettement du consommateur. Dehors, le froid augmente. Chez nous, les prix diminuent. Parce que chez CA, il y a maintenant 20% de rabais sur les vestes et manteaux d'hiver pour dames, hommes et enfants. Maintenant, dans ton CA. Article déjà réduit exclu. Attention, attention, annonce royale. Pour fêter la sortie du nouveau billet de la loterie romande Carton Royal, nous vous attendons à Migros 1032 Romanel du 16 au 21 octobre. Offres promotionnelles, cadeaux et magnifiques surprises vous y attendent. Si ça, c'est pas royal. Bonjour, c'est Ivan Kni. Avec tous les artistes, nous nous réjouissons de vous présenter notre nouveau spectacle. Laissez-vous enchanter par la magie du cirque. À très bientôt. Le Cirque Kni, du 19 au 22 octobre à Vevey. Les billets auprès de kni.ch. Après Intouchable et le sens de la fête, le grand retour de Toledano et Nakache à la comédie. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, là on est à la ruche. Un film dont on a vraiment besoin. Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit. Ouais. Drôle, percutant et tellement actuel. Une année difficile. Au cinéma. Efficace, élégant, électrique. Découvrez le nouveau Peugeot i2008 100% électrique lors d'un essai. Profitez d'offres attrayantes pendant les Peugeot e-Weeks. Courir, encourager, vibrer. La Night Run Morges est de retour le samedi 4 novembre. Venez courir sur 1, 2, 5 ou 10 km. L'entier des bénéfices sera reversé à l'association Seven. La Night Run Morges, une course du trophée lausannois et labellisée Unified. Pour les personnes en situation d'handicap. Infos et inscriptions sur nightrunmorges.ch. Le samedi 4 novembre, tous à la Night Run Morges. Un événement LFM. LFM l'inforoute avec la Ford Mustang Mach-E, le SUV 100% électrique. Retrouvez-la dans vos concessions Ford de Mérin, Gland et Bussigny. Bye bye car. Toujours des difficultés à prévoir sur la semi-autoroute A9 entre Balègue et le rond-point du Creux en direction de la Douane de Valorbe. Et puis toujours des ralentissements à prévoir également sur l'autoroute A1 contournement de Genève entre Mérin et le poste de douane de Bardonnay. LFM. LFM, l'info trafiquée avec Varro. Votre mazout de chauffage et diesel en deux clics sur shop.varroenergy.ch. Varro Coloring Energy. Écoutez, ça s'est passé sur LFM avec Yann Lambiel. Pendant les vacances, Yann Lambiel a ressorti de ses archives la bande-annonce de Camping 4. We'll all be planning out a route. Après Camping 1. Alors, on n'attend pas Patrick. Oh merde. Après Camping 2. Alors, on n'attend pas Patrick. Après Camping 3. Alors, on n'attend pas Patrick. Oh merde. Voici Camping 4 à Vidi. Eh bien alors, on n'attend plus Daniel. Camping 4 à Vidi. Il n'y a plus de Benko. Ah non. Je suis allé à la Migros, il n'y a plus de Benko. Oh merde. Je suis allé à la COP, il n'y a plus de Benko. Oh là. Je suis allé chez Dédère, il n'y a plus de Benko. Oh merde. Mais comment tu vas faire? Oh, il me reste un peu d'ovo sans gluten. Camping 4 à Vidi, ou quand Patrick Chirac rencontre un syndic sur le départ. Cet été, je vais enfin pouvoir mettre un slip de bain sexy comme vous, Patrick. Avant, je ne pouvais pas. J'étais syndic. Oh merde. Après 15 ans de syndicature, il part enfin en vacances. Eh ben alors, on t'attend, Daniel. Oh merde. J'arrive. Valérie Dittli, oui. L'impôt vaudois va diminuer de 3,5% l'an prochain. Oui, alors effectivement, le Grand Conseil a accepté ça. Ça fera 105 millions de moins dans les caisses. Mais c'est bien. Oh, excusez-moi, il y a juste Christelle Luisier qui m'envoie un WhatsApp. À quelle heure on se voit pour l'apéro? 10h30. Voilà, excusez-moi. La gauche voulait moins. Oui, et puis la droite, il voulait plus, et il voulait, et puis moi, comme je suis au milieu, je coupe le kegrifrette en deux, comme on dit chez moi. Excusez-moi, il faut que je réponde à Christelle. Mais n'oublie pas de ne rien dire à Isabelle, sinon elle va venir aussi. C'est Borlo qui amène le vin. Le film Bernadette sort sur les écrans avec Catherine Deneuve dans le rôle de Bernadette. Non, mais c'est dommage. Ah bah, vous auriez voulu le rôle, Marie-Thérèse. J'aurais été parfaite dans le rôle de Madame Chirac, froide, calculatrice, c'est tout moi ça, mais non, ils prennent Catherine Deneuve, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, Catherine Deneuve, est-ce qu'elle a fait le nouvel an de la RTS, Catherine Deneuve, non, est-ce qu'elle a fait quatre fois le cirque Conny, non, Et il y aura un jour un autre rôle pour vous, Marie-Thérèse. Ah, vous croyez, mais évidemment, vous pensez vraiment qu'un jour, ils vont faire un biopic sur Guy Parmelin et que je pourrais jouer sa femme, non, ou un biopic sur Albert Rejeté. Ah ouais, vraiment, ça aura la même gueule. Une société pharmaceutique franco-canadienne a débuté des essais cliniques d'un vaccin contre les allergies aux chats. Et c'est quand qu'ils vont faire un vaccin pour les allergies à l'homme? T'es allergique à l'homme, Roménet? De plus en plus, ils savent que se battre, faire des guerres, des attentats, des prises d'otages, c'est des vrais parasites. Même s'ils avaient la rage, ce pourrait pas être aussi nuisible qu'un humain. Allez, Willy, alors ce serait sympa un vaccin contre l'allergie au chat. Ma femme, elle est allergique au chat. Et du coup, quand on va au resto, elle doit prendre des places en chat. Et c'est dégueulasse, les places en chat. Ça n'a pas de goût, c'est fat, c'est plus cher et ça emmerde tout le monde. Vivement les vaccins. Aya Nakamura ne viendra finalement pas à la Vaudoise Arena le 15 octobre. Salut, c'est Mike Horn. Ah, vous êtes un fan d'Aya Nakamura. Non, moi, Aya Nakamura, c'est difficile à dire. Aya Nakamura, ça c'est oui. Non, moi, Aya, c'est une forme d'entraînement. Une forme d'entraînement? Oui, tu sais, moi, j'ai tout vécu dans ma vie. Le tour du monde dans le noir, par moins 5 ans. Des ours polaires qui peuvent te bouffer à chaque instant. La descente du fleuve Amazon à la nage en apnée avec les crocodiles et les serpents. Alors, plus rien ne me faisait peur. Moi, j'étais blasé de la vie jusqu'à Aya Nakamura. Quand pour m'entraîner psychologiquement à la souffrance et aller toujours plus loin dans le dépassement de moi-même, je vais à tous ses concerts et j'essaye de comprendre ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, j'essaie de comprendre pourquoi elle est là, pourquoi les gens ils sont là, et ça c'est vraiment une aventure qui fait peur. Michael Driberg, vous êtes vous-même producteur de spectacle. Pourquoi pensez-vous que le concert d'Aya Nakamura a été annulé? Non, c'est clair que quand t'as 8000 places et puis que tu vends 27 billets, forcément, ce qui représente en gros le nombre de mots qu'on comprend dans ces chansons, si t'es pas trop nul en calcul, tu te rends bien compte que le bénéfice est proche du taux de féminisme chez Gérard Depardieu. Salut, c'est Morizo. Alors moi, je trouve qu'ils auraient pas dû annuler. Hein. Ils auraient dû m'appeler, moi je serais venu avec Maddy. Et puis, Sweet People, hein, on aurait téléphoné à tous les MS du canton de Vaud. Moi, je peux vous dire qu'on aurait mis le feu à la Vaudoise Arena. Enfin, disons qu'on aurait fait péter les sonotones. En plus, moi non plus, on comprend pas ce que je dis. On serait resté dans le mood et ça aurait été super sympa. écoute Escape avec Gwen Stefani sur LFM. LFM L'Heure avec la droguerie Jacquet à Vevey, votre conseiller santé. Info droguerie-jacquet.net. LFM, belle soirée. Il est 18h. LFM, l'inforoute. Avec PESA, transports internationaux, logistique, entreposage et dédouanement sont une formalité. www.pesa.global. Un coup d'œil à l'état, non pas des routes, mais des autoroutes, avec quelques soucis sur la semi à 9 entre Balègue et le rond-point du Creux, et puis toujours le contournement de Genève touché par les ralentissements en ce début de soirée entre Mérin et le poste de douane de Bardonnay. 18h, nouveau rendez-vous d'information pour ce début de soirée. Et l'info, c'est toujours avec Robin Jolin. Robin, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Le CHUV cède l'EMS de la Rosière, située à Gimelles, à la Fondation Belle Saison. Celle-ci reprend donc l'exploitation du site et le projet d'une nouvelle construction de 100 lits. Ce transfert, qui sera effectif au 1er janvier prochain, doit permettre au CHUV de se concentrer sur sa mission primaire de soins aigus, indique-t-il aujourd'hui dans un communiqué. Le canton de Genève limite la température de ses bâtiments. Limite à 20 degrés pour cet hiver, une mesure déjà en vigueur l'an dernier, qui doit permettre de réaliser des économies d'énergie, a expliqué le Conseil d'État genevois. Tous les bâtiments administratifs de l'État sont concernés par cette limitation, à l'exception des hôpitaux ou encore des EMS. À Berne, la place fédérale et la Bundesgasse ont été fermées à la circulation aujourd'hui en raison d'un objet suspect. L'aile ouest du palais fédéral et le centre des médias situé non loin ont dû être évacués. L'alerte a finalement été levée peu avant 15h. Ces deux objets ont été trouvés selon la police bernoise. Ils se sont avérés inoffensifs. Des évacuations également en France ont eu lieu après des menaces. Oui, c'est le cas, Sylvain, de plusieurs aéroports sur le territoire français qui ont reçu par email des menaces d'attentats. 6 ont été concernés, dont ceux de Lille, de Nantes, de Toulouse ou encore de Nice. Le château de Versailles a pour sa part de nouveau été la cible cet après-midi d'une alerte à la bombe. Il a été évacué avant de rouvrir ses portes après donc cette fausse alerte. Et puis Israël a annoncé cet après-midi autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte, alors que le pays impose un strict siège au territoire palestinien, pilonné sans relâche depuis l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre dernier. Suisse Olympique veut à nouveau tenter sa chance pour avoir des Jeux en Suisse. Le comité souhaite soumettre une candidature pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030. Il a présenté aujourd'hui les résultats de l'étude de faisabilité des Jeux décentralisés dans les 4 régions linguistiques et largement financés par le secteur privé sont possibles. Le Parlement du sport se prononcera le 24 novembre sur le lancement de cette candidature. L'étude de faisabilité montre que l'utilisation des infrastructures existantes est une ambition réaliste. Écoutez Sergei Ashvanden, il est membre du comité exécutif de Suisse Olympique. Il n'y a aucune construction qui est prévue dans notre concept, raison pour laquelle nous avons aucun investissement de prévu. Et ceci, c'est extrêmement important. Si nous voulons vendre un concept, et c'est notre philosophie et notre stratégie sur la durabilité et sur l'écologie, il faut aussi pouvoir dire que nous avons tout ce qu'il faut qui est présent ici pour pouvoir organiser des Jeux Olympiques d'hiver de qualité. Également au niveau de l'hébergement, est-ce qu'on a les capacités pour accueillir tout le monde ? Nous avons aujourd'hui les capacités de pouvoir accueillir des athlètes et des spectateurs. Toutefois, il s'agit maintenant de peaufiner un petit peu le tout, et ceci pour une raison qui est relativement simple. Si les Jeux Olympiques devaient avoir lieu au mois de février, tout dépend dans quelle région touristique certains événements auront lieu. Nous pourrions être confrontés à une situation d'une demande qui est supérieure à l'offre. Donc il s'agit maintenant de discuter et de voir les différentes possibilités, peut-être même d'envisager un certain déplacement d'une date de l'organisation des Jeux. Mais en termes de capacité d'hébergement, nous avons suffisamment de ressources nécessaires à disposition pour accueillir athlètes et spectateurs. Sergei Ashvanden qui répondait à Marie Vieumier. Suisse Olympique a aussi effectué un sondage auprès de la population. 2/3 des personnes interrogées se disent favorables à l'organisation de Jeux Olympiques d'hiver en Suisse. Retrouvez le fil de l'actu sur lfm.ch. LFM La Météo avec SportX Crissier et Bike World à Romanel-sur-Lausanne et leur service de location de ski ouvert dès maintenant. Les prévisions du temps. Le temps, le ciel est sacrément plus nuageux qu'à 16h. Là, c'est fini. Effectivement, les nuages qui seront bien présents ce soir, accompagnés d'ailleurs de précipitations qui vont s'étendre ce soir et cette nuit à plusieurs régions de Suisse romande. Demain, un début de journée nuageux qui nous attend, et pluvieux d'ailleurs, avant le retour de quelques éclaircies dans le courant de la journée. Côté température, des maximales de 17 à Montreux pour demain, 15 à Avenche et 17 à Renan. Eh bien, je vais vous dire, c'est quand même plaisant de dire ouais, le ciel, c'est... Ça veut dire qu'il va sans doute avoir quelques averses, et on en a quand même cruellement besoin. Donc on va pas cracher dessus. C'est vrai, on a eu un été magnifique. S'il pleut un peu, eh ben ça sera tant mieux. Même bien. Alors s'il pleut beaucoup, mais gentiment tout le temps, hein, pas de. Oui, pas parce que sinon on a les pieds dans l'eau. Et bah tout oui. Un peu. Bon. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Et la même en mieux. Et on se retrouve très bientôt. À volontiers. Les résultats du quintet, ça tombera dans un quart d'heure maintenant. Et puis la musique qu'elle a avec, pour repartir dans le programme, Irène Cara. avec un point, c'est toi. Mon Dieu, comme c'est bon. LFM. C'est bon également de se réveiller avec la douce voix de Valérie Augier, hein, c'est le cas cette semaine, entre 6h et 9h. Alors il n'y a pas que la douce voix de Valérie Augier qui vous accompagne au réveil, il y a également les cadeaux, et pas des moindres s'il vous plaît, puisque la CGN nous accompagne une nouvelle fois cette semaine entre 6h et 9h avec des packs CGN, c'est-à-dire, imaginez, carte journalière, première classe pour les bateaux Belle Époque, vous allez revivre quelque chose de fantastique. Si vous n'avez jamais embarqué à bord de la flotte Belle Époque, oh, c'est le moment de vous faire plaisir. Et puis également, la dégustation à l'Union Viticole de Cuilly. Ça, c'est pour deux personnes. De quoi passer. Bon, on va pas se cacher les choses. Un moment de rêve, tout simplement. Prochain rendez-vous avec les cadeaux et ce pack CGN en compagnie de Valérie Augier. Ça sera demain pour votre réveil à partir de 6h. Dans un instant, on file sur les champs de course, les résultats du quintet. Et pour la musique, ça sera Michael Jackson. Pur plaisir au volant chez votre concessionnaire AMAG le plus proche. Découvrez maintenant l'Audi Q3 Sportback Attraction. Équipé d'innombrables options à des conditions de leasing incroyablement attrayantes. Toutes les infos sur amag.ch/Audi. L'octroi d'un leasing est interdit s'il entraîne le surendettement du consommateur. Tu vas voir les meilleures pizzas de Suisse romande. Ciao Salvo, toujours le roi de la pizza? À l'emporter ou manger sur place, Etna Pizza, ses spécialités italiennes, ses assiettes du jour. Etna Pizza, rue de la Pontaise 52 à Lausanne. Ouverture le 26 octobre à 18h. Du 14 octobre au 5 novembre, vous n'avez pas fini d'avoir peur à Chaplin's World. Dracula, le monstre de Frankenstein, sorcière et d'autres créatures inquiétantes vous attendent dans les plus sombres recoins du parc. Billets d'entrée à partir de 10 francs. Informations sur chaplinsworld.com. Dehors, le froid augmente. Chez nous, les prix diminuent. Parce que chez CA, il y a maintenant 20% de rabais sur les vestes et manteaux d'hiver pour dames, hommes et enfants. Maintenant, dans ton CA. Article déjà réduit exclu. Le chalet du Mont Pèlerin, votre adresse gourmande dans un cadre unique. Savourez d'authentiques produits de la région, 7 jours sur 7. Cuisine non-stop de 11h à 22h. Le chalet du Mont Pèlerin à l'arrivée du funiculaire. Actuellement, la chasse est à l'honneur. Ne faites pas comme les autres. Offrez-vous maintenant votre cadeau de Noël. Chez Clinique Cars à Yverdon, découvrez la Renault Clio E-Tech Full Hybrid et son esprit sportif alpine. Ou craquez sur le Dacia Jogger, polyvalence d'un break et le confort d'un SUV. Renault Dacia, c'est toujours le moment de se faire plaisir. ClinicCars.ch. Clinique Cars, la passion automobile. Après Intouchables et le sens de la fête, le grand retour de Toledano et Nakache à la comédie. Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain. Excuse-moi, tu peux mettre 2 bières, s'il te plaît? C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. À voir absolument. Une année difficile au cinéma. On parie que vous allez gagner. Le quintet avait lieu sur l'hippodrome de Reims aujourd'hui, nouvelle étape du GNT du Grand National du Trot. Il fallait jouer le 16, le 4, le 15, le 11 et le 10. Notez que demain, le quintet se courra sur l'hippodrome de Deauville, ça sera le prix de la forêt de Lyons. Il y aura 16 chevaux d'engagés, vous pourrez faire votre pronostic comme tous les jours de la semaine, le matin, avant midi sur notre site lfm.ch avec à la clé en fin de semaine à remporter 50 francs de crédit à valoir sur tous les paris PMU que compte le site de la loterie romande. PMU, on parie que vous allez gagner. Hold me like the river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Like you are my brother, love me like a mother. Will you be there? Me. When wrong, will you scold me? When lost, will you find?